Place à la sélection du jour. On débute cette sélection avec un groupe français de rock parodique, surtout actif dans les décennies 70 et 80, et son nom était inspiré du titre d'un roman classique de Émile Zola, Au bonheur des dames. Et la chanson phare de ce groupe, c'était « Oh les filles, oh les filles, au bonheur des dames ». Je suis sorti avec Hélène. Dans un café, on s'est assis. Quand je lui ai dit que je l'aime, elle m'a dit qu'elle m'aimait aussi. Le lendemain, je lui bigophone. Elle me dit que tout est fini. Allez, filles, allez, filles. Elle demande un marteau. Allez, filles, allez, filles. Moi, je les aime trop. Je suis sorti avec Monique. Au cinéma on est allé. Et au moment le plus tragique, elle m'a prié de l'embrasser. Et comme je suis une fille pratique, je ne me suis pas fait prier. Allez filles, allez filles. Elle me rend le marteau. Allez filles, allez filles. Moi je les aime trop. Sorti avec Marcel. Il est sorti avec Marcel. Espericolos Borghesi. Espericolos Borghesi. Tigli tigli tigli tigli. Tigli tigli tigli tigli. Je suis sorti avec Darrel. Il est sorti avec Darrel. Je suis sorti avec Gilux. Il est sorti avec Gilux. Dans le métro on s'est rencontrés. Il habite tout près de Sarcelles. Alors je l'ai raccompagné. Arrivé devant son HLM, il me dit j'aime pas les PD. Allez-y, allez-y. Je suis sorti avec Karine, car elle ne m'a rien demandé. Elle est si douce, elle est si fine. Et j'aime ses beaux yeux étonnés. J'aimerais toute ma vie Karine. Ah, cette fille, elle m'a rendu marteau. une chanson coquine de Lucien Boyer et de René Silvano, interprétée par Lynn Clevers en 1936, a le charme des chansons coquines des années 30. Prenez mes mandarines, elles vous plairont beaucoup, elles ont la peau fine et de jolis pépins pour vous, les mandarines Lynn Clevers. On choisissait et à l'oreille elle vous glissait. Prenez mes mandarines, elles vous plairont beaucoup, car elles ont la peau fine et de jolis pépins pour vous. Prenez mes mandarines et dites-moi où vous perchez, à moins que ça vous chagrine, j'irai vous les éplucher. Mais de ce commerce illicite, la police s'émut bien vite. Trois semaines après, le commissaire, d'un ton sévère, l'interrogeait. Mais pour séduire le magistrat, dans un sourire, elle lui chanta. Prenez mes mandarines, elles vous plairont. Car elles ont la peau fine et de jolis pépins pour vous. Prenez mes mandarines et dites-moi où vous perchez, à moins que ça vous chagrine, j'irai vous les éplucher. Harpette de trottin, midinette, ne l'écoutez pas, restez honnête. Si votre patron vous désire, il faut lui dire, je rentre au bercail, je veux bien que tu prennes, c'est un détail, toutes mes peines et mon travail. Mais pas mes mandarines, elles vous plairaient beaucoup, car elles ont la peau fine, mais elles ne sont pas pour vous, car je les ai promises à celui que j'aime bien. Je ferai peut-être une bêtise, mais je les lui donnerai pour rien. Un morceau positif, mais nostalgique, coécrit et composé par Valentin Marceau et Michael Miro. Tips revient sur une belle amitié qui semble avoir souffert et tente ainsi d'arranger les choses. Oh, tu peux mentir au monde entier, mais face à moi, tu n'es pas de taille. Je n'ai pas peur de tes secrets, de tes blessures, de tes entrailles. Regarde-nous sur la photo quand on trinquait à l'amitié. Aucun trucage, non, rien de faux. Viens, qu'on retourne dans le passé. Une jolie ritournelle, une belle marque d'amitié, tout au bout du monde, Tips. Je t'ai connu avant l'enfer, je t'ai connu, t'étais le roi. Bien avant les cernes et la noirceur, des enfants de la nuit qui font n'importe quoi. Souviens-toi quand tu faisais rire les filles, souviens-toi comment t'étais beau et fier. Avant que s'invite une aiguille, vois ce qu'elle a fait à mon frère. Tout au bout du monde, au bord du vide, je te tendrai les bras. Je les donne si t'as besoin de moi. Tout au bout du monde, au bord du vide, je te tendrai les bras. Et toutes mes secondes, je te les donne si t'as besoin de moi. Tu peux mentir au monde entier, mais face à moi, t'es pas de taille. Je n'ai pas peur de tes secrets, de tes blessures, de tes entailles. Regarde-nous sur la photo. Quand on trinquait à l'amitié, aux quatre caches de rien de faux. Viens qu'on retourne dans le passé. Tout au bout du monde, au bord du vide, je te tendrai les bras. Et toutes mes secondes, je te les donne si t'as besoin de moi. Tout au bout du monde, au bord du vide, je te tendrai les bras. Et toutes mes secondes, je te les donne si t'as besoin de moi. Je te tendrai les bras. Et toutes mes secondes, je te les donne si t'as besoin de moi. Et sur ta peau abîmée, j'effacerai tes blessures, c'est ma bataille. Et je marcherai à tes côtés, où que tu sois, où que tu ailles. Tout au bout du monde, au bord du vide, tu te tendrais les bras. Et toutes mes secondes, je te les donne si t'as besoin de moi. Tout au bout du monde, au bord du vide, je te tendrais les bras. En 1973, la 18e édition du concours Eurovision de la chanson était organisée au Luxembourg. 17 pays participaient et c'est le Luxembourg qui remportait l'épreuve avec la chanson « Tu te reconnaîtras » interprétée par Anne-Marie David. Anne-Marie David, souvenez-vous de son nom. La France était représentée par Martine Clemenceau avec la chanson « Sans toi ». Une ballade dramatique dont les paroles traitent d'une femme qui exprime ses sentiments face à un amoureux qui la quitte. Résultat, aïe aïe aïe, une 15e place ex aequo sur 17. Quelle déception pour Martine Clemenceau et pour la France. D'autant plus que la chanteuse gagnante du concours n'était autre que Anne-Marie David, une chanteuse française. On peut effectivement se poser déjà des questions. C'était en 1973. Comment étaient sélectionnés les artistes qui représentaient la France? Sans toi, Martine Clemenceau. Tout le monde, toutes choses parlaient d'amour. Il fallait bien que cela m'arrive. J'attendais, je t'espérais, j'espérais, je te cherchais, mais c'est fou. Je n'ai peur de rien. mélodie mélancolique qui vient des tôles du ghetto, une mélodie mélancolique qui vient de la Havane, une mélodie mélancolique aux allures de gitane, une chanson bizarre et maléfique qui fait fuir les marins. Moi, je la chante pour le risque. On verra bien demain. Une chanson de musique tropicale sortie en 1997, Le Venin, Bernard Lavillier. Alors, c'est quoi Le Venin ? Une chanson caraïbe. Maléfique. Une mélodie mélancolique vient des tôles du ghetto. L'après-midi plombé à mort lui donne un sous-tempo. Sous un ciel d'encre, des enfants jouent à lancer leurs couteaux. Au-dessus des caisses, sous des vieux sages planquent leurs dominos. Cette mélodie mélancolique qui vient de la Havane contient des ondes maléfiques aux allures de gitane. M'a dit un vieux conteur d'histoire, buveur de rhum hors pair, connu à Kingston un beau soir en lui payant des verres. Il y a longtemps, un marin fou, amant d'une gypsy. Elle voulait tout lui donner tout, mais lui n'a rien compris. J'ai un peu oublié la suite, qui parle de vengeance, du danger des vraies amoureuses, de poison et de rance. Cette mélodie mélancolique qui vient de la Havane contient des ondes maléfiques aux allures de gitane. Amour couvert ou très obscur, provoquant le destin. Cette mélodie porte malheur et s'appelle le venin. La pluie qui envahit la rue lui donne un sous-tempo. Une chanson bizarre et maléfique qui fait fuir les marins. Moi je la chante pour le risque, on verra bien demain. Une marche militaire, un chant bien patriotique, c'est pour les amours. On aime sa paysse tout autant qu'on aime son pays. Bérard de l'Eldorado vous sollicite pour chanter avec lui une chanson enregistrée en 1931. C'est pour la paysse, Bérard. Le régiment pour défiler plus gaiement chante un refrain avec entrain. Les nouveaux venus n'osent chanter très émus, car la plupart ne l'ont jamais entendu. Mais remplis d'ardeur, ils l'ont bien vite appris par cœur, et tout le monde chante encore. Tout ça bride. Tout ça, c'est pour les amours. Partout, Jeannette te lise. C'est pour vous que l'on chante toujours. L'amour, ça vous électrise. Par lui, notre cœur est pris. On aime sa bêtise. Tout autant qu'on aime son pays. C'était bien français, chacun l'adore, on le sait. Du caporal au général, sur son canasson, un énorme capiston. Le chante aussi, tout en s'épongeant le front. Et les petits gamins qui suivent le long du chemin fredonnent tous d'un air malin. Tout ça, c'est pour la paix. Tout ça, c'est pour les amours. Mais ne croyez pas que ça ne sert qu'aux soldats. Il faut ici chanter aussi. Au balcon je vois un joli blond blindé moi. Ah ta chérie, murmurez c'est tout pour toi. Et pour l'imiter maintenant je vais vous demander encore avec moi de chanter. Ah, c'est pour la prise, tout ça, c'est pour les amours. Margot, Jeannette, Lise, c'est pour vous que l'on chante toujours. L'amour, ça vous électrise, par lui, notre cœur est pris. On aime sa pays, tout autant qu'on aime son pays. À travers la chanson suivante, Claudio Capeo dénonce le harcèlement scolaire. Il décrit des scènes de harcèlement vécues par une petite fille à cause de son surpoids. Et il rassure toutes les victimes de harcèlement. L'avenir sera meilleur en grandissant, ses problèmes disparaîtront. Et la chanson insiste également sur le caractère créatif des enfants harcelés. La solitude et l'isolement qui s'impose à eux à cause de leur physique les poussent à rester seuls et à innover. La petite fille est douée, elle écrit des poèmes. Ma jolie, Claudio Capeo. Petite fille a les yeux mouillés ce matin. Mais ce n'est pas la pluie, ce sont ses petits copains qui lui disent qu'elle est grosse, qu'elle est moche, qu'elle ne vaut rien. De l'avoir pleuré, ça leur fait peut-être du bien. Elle noircit des pages, elle écrit des poèmes qui parlent de voyage, d'oublier les problèmes. Son cœur prend de l'âge, mais ce n'est qu'une. Dans la classe, elle veut être invisible, se fondre dans la masse. Pour elle, y'a pas d'amour, y'a que des juges en cartable qui l'attendent dans la cour De quoi est-elle coupable? Elle prend sa guitare pour s'évader un peu, se fait des histoires de princes merveilleux, dessine des mirages avec ses yeux d'enfant. Le bonheur n'est pas facile à obtenir, mais enfin à deux, c'est moins difficile. Il faut travailler dur pour être heureux. Il faut tout faire soi-même pour y parvenir. Du bonheur, Jean-Louis Aubert, allez, vas-y cousin. Construire du bonheur, je t'en ferai des tonnes, je t'en ferai des tours, j'en ferai des gratte-ciel. Si je pouvais construire du bonheur, je mettrais pas de garde-fous, je mettrais des garde-peur. Si je pouvais détruire malheur. Si je pouvais construire du bonheur, je ferais des grands trous. J'y mettrai tout le malheur avec de gros couvercles, interdiction d'ouvrir, même pour tout l'heure du monde. Si je pouvais détruire le malheur, mais le bonheur, ça se construit pas en dur. Un peu comme l'air pur, faut avoir du nez et le courage de monter, d'aimer là-haut, au sommet, faire soi-même tout le boulot, tout le boulot, tout le boulot, tout le boulot, tout le boulot. Si construire du bonheur. Je t'en ferai des tas, je t'en ferai des kilos, je t'en ferai des tonnes, je t'en ferai des tours, je t'en ferai des gratte-ciel, je t'en ferai des montagnes. Non, j'aurai honte de rien, non, j'aurai honte de rien. Mais le bonheur, ça se construit pas en dur, ça se construit pas tout court, on l'a pas à l'usure. C'est un peu comme l'air pur, il faut avoir du nez et le courage de monter et d'aimer là au sommet, de faire soi-même et le gratte-ciel et le paratonnerre, de faire soi-même. Une chanson écrite, composée et produite par Michel Berger en 1984. En parlant d'une personnalité connue comme Cézanne, France Gall a pris de l'assurance et cela lui permet d'abandonner plus facilement sa pudeur, et ce n'est pas comme des chansons intimes. Et par ailleurs, les coups de tonnerre qui ponctuent la fin de cette chanson rappellent que Paul Cézanne, qui peignait dans la campagne aixoise un certain jour d'octobre 1906, fut surpris par un violent orage. Il fit un malaise et décéda quelques jours plus tard d'une pneumonie. Cézanne peint France Gall. Silence les grillons sur les branches immobiles, les arbres font des rayons et des ombres subtiles. Silence dans la maison, silence sur la colline, c'est parfum qu'on devine, c'est l'odeur de saison. Mais voilà l'homme sous ce chapeau de paille, des taches plein sa blouse et sa barbe en bataille. Cézanne peint, laisse s'accomplir la magie de ses mains. Cézanne peint, il éclaire le monde pour nos yeux qui ne voient rien. Il y met sa vie, le bruit de son cœur. Et comme un bateau porté par sa voile, doucement le pinceau glisse sur la toile. Et voilà l'homme qui croise avec ses yeux le temps d'un éclair, le regard des dieux. Cézanne peint, il laisse s'accomplir le prodige de ses mains. éclaire le monde pour nos yeux, qui ne voit rien si le bonheur existe. C'est une épreuve d'artiste. Cézanne le sait bien. Quand Cézanne peint, Cézanne merci à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à faire que cette chanson apporte un peu de bonheur, de partage, de courage, d'humour, d'amitié et d'amour dans cette période si particulière et historique. Merci à tous les participants de France, d'Allemagne, de Belgique, de Suisse, du Royaume-Uni, de Bulgarie, de la Côte d'Ivoire, du Liban et du Qatar. Merci à ceux qui restent à la maison et qui s'adaptent. Merci à ceux qui continuent à travailler et qui s'arrachent à l'amitié et à l'amour. Robert Dam. À l'amitié et à l'amour, toutes ces valeurs qui nous rassemblent, à notre santé, à nos beaux jours. Elle est si belle la vie, même quand elle tremble. Elle est si belle la vie, même quand elle tremble. Il y a des surprises, l'inattendu, des temps de crise, des temps perdus ou retrouvés. On n'a jamais été si loin, éparpillés aux quatre coins, déboussolés. Mais quand on s'appelle, on tend nos bras, on tend nos cœurs, on se dit cent fois tous nos poèmes. Et peu importe les kilomètres, quand on se crie à nos fenêtres, qu'en vrai on s'aime. À l'amitié et à l'amour, toutes ces valeurs qui nous rassemblent, à notre santé, à nos si belle la vie, même quand elle tremble. Il reste encore Encore? Oui. Tchin. Encore? Encore? Tchin. Elle est si belle la vie, même quand elle prend. Encore ça? Une chanson composée par Gilbert Bécaud sur des paroles du préfet de police Jean Hamad, chanson sortie en 1965, une chanson dédiée d'ailleurs à Jean Cocteau, Quand il est mort le poète, interprété par Gilbert Bécaud, mais interprété surtout par le public de l'Olympia. Une dernière chanson que nous vous invitons à partager. Ah, on a demandé à Pierre Perret de s'y coller. Pierre Perret, toujours à la pointe de l'actualité et qui s'exprime sur la situation actuelle. Il faut ménager les vieux, alors comme je serre les fesses en étant pleine béchamel. Ceux qui dérouillent aujourd'hui le plus, ce sont ceux qui s'occupent des malades et qui n'ont aucun moyen. Je pense aux pauvres infirmières, aux pauvres médecins, ils n'ont rien. Il faut qu'ils se démènent comme des fous. Et je pense à la petite infirmière qui court après des masques et qui est payée de bravo et de clopinettes. Pierre Perret, les cons finis. Comment t'aider ces pauvres gens qui agonisent, qui attendaient qu'on leur vienne à la rescousse? Pendant que les infirmières mouillaient la chemise, que les infirmiers faisaient suer Burnous, pendant qu'ils couraient tous dans la panade, dans les couloirs encombrés de Maccabée, les cherchaient pas pour soigner les malades, tous les docteurs étaient à la télé. Ils nous ont enconfinés, puis déconfinés, puis reconfinés quand redoutait d'être in fine. Déconfinés. Ils décrétèrent un jour que les vieux de la vieille faut les achever à 70 balais, disant le contraire de ce qu'ils disaient la veille, quand cette grippette les faisait bien marrer. D'un air savant, ils venaient faire des tirades, remplis d'avis et conseils en poulet. Pendant que l'hosto croulait sous les malades, nos braves docteurs étaient à la télé. Ils nous ont enconfinés, puis déconfinés, puis reconfinés, qu'on redoutait d'être in fine déconfinés. Y'avait le Raout, celui qui les enquiquine, qui les traitait tous comme des diaphoirus. D'après lui, y a guère que sa chloroquine qui pourra foutre les chocottes au virus. La porte-parole, elle s'appelle Cybette. Y'en a qui pensent qu'elle porte bien son nom. On sent bien que la moindre idée qui se pointe lui déclenche un ouragan dans le citron. Ils nous ont enconfinés, puis déconfinés, puis reconfinés, qu'on redoutait d'être infinés, déconfinés. Soir aux infos, y'a le ton du lot sadique qui compte les morts et puis y'a le défilé des professeurs, des stars, des scientifiques et puis le rouquin, la merloque, le cinglé. Et en fin de compte, on a su pour les masques qui étaient gérés par une bande de couillons. S'il en restait plus du tout, c'était parce que ils en avaient détruit 600 millions. Ils nous ont enconfinés, puis déconfinés, puis reconfinés, qu'on redoutait d'être infinés, déconfinés. Les infirmières qui gagnent des clopinettes, même pas au SMIC, galèrent à tour de bras. On récompense nos courageuses causettes d'applaudissements, de médailles en chocolat. Mes petits marquis, vous devriez avoir honte. La dignité chez vous, elle est en deuil. Pas une seule de vos promesses à la gomme ont un jour consolé leur portefeuille. Vous nous avez confinés, puis déconfinés, puis reconfinés, mais vous vous resterez pour la vie déconfinés. Et c'est ainsi que s'achève la cerise sur le canto numéro 48, consacré à la chanson française. Merci à Xavier pour la réalisation technique de cette émission enregistrée à la maison. Et merci à vous, les auditeurs, de nous avoir accompagnés. Eh bien, nous vous laissons en l'aimable compagnie de Thierry pour son émission Discothèque Classique. Au revoir, à dimanche prochain, 10h.